Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Nucléaire tue l'avenir ». Le gouvernement et le lobby nucléaire préparent main dans la main la poursuite et la relance du nucléaire. Non content de repousser de 10 ans l'échéance de réduction de la part du nucléaire, il prévoit la prolongation des vieilles centrales. Et de nouvelles constructions. Ça vous révolte ? Ben moi aussi. En novembre 2018, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035. Cela signifie que les 44 autres resteront en activité malgré leur âge canonique. Le président Macron a-t-il pris la mesure du danger qu'il fait peser sur les 67 millions de Français ? On constate déjà des pièces irremplaçables en fin de vie, des malfaçons sur des équipements cruciaux pour la sécurité et des problèmes de maintenance dus aux économies réalisées par EDF et aux cadences infernales imposées aux salariés. Salariés des entreprises sous-traitantes, bien sûr, puisque pratiquement c'est toutes des entreprises sous-traitantes qui poursuivent la vie des centrales. Prolonger ces installations vétustes, c'est rogner sur les marges de sûreté et c'est risquer l'accident majeur. Outre qu'elle tente de maintenir en vie ces centrales, l'industrie nucléaire rêve également de nouveaux projets. EDF est en train de préparer un programme nouveau nucléaire qui reposerait sur un EPR amélioré et meilleur marché. Donc, low cost, et sur d'hypothétiques petits réacteurs modulaires. Les piscines recueillant le combustible usé débordent. Qu'importe, une nouvelle est prévue. EDF est comme un cycliste qui, pour ne pas tomber, ne doit pas s'arrêter de pédaler. L'entreprise qu'on voit, et ça c'est Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, qui le dit. L'entreprise convoite pour ses projets des terres agricoles près des centrales, sans compter que la nucléarisation de certains territoires semble en marche avec une multitude de projets destinés à cette industrie à travers la France. Comme vous, dit le réseau Sortir du nucléaire, nous refusons que notre avenir soit sacrifié sur l'autel des profits à court terme d'EDF. Sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, le meilleur moyen est encore d'agir tous ensemble pour demander l'arrêt du nucléaire. Voilà, et donc le réseau Sortir du nucléaire demande bien sûr le soutien des citoyens. Voilà, préconise, dès à présent, demandons l'arrêt des centrales et installations vieillissantes. À partir de cet été, agissons pour empêcher l'installation de nouveaux projets. Et en fin d'année, nous vous proposons, c'est le réseau du Sortir du nucléaire qui le dit, des actions pour se passer du nucléaire. Voilà, alors il faut rajouter à ça qu'à la fin de l'année 2019, 27 réacteurs auront dépassé les 35 ans, comme je le disais à l'instant, et 6 auront dépassé les 40 ans. De quoi avoir peur quand on sait que 3861 défauts de fabrication a été recensé sur des pièces équipant les réacteurs français et que l'un d'entre eux en comptabilise jusqu'à 113. Par ailleurs, telle une pieuvre aux nombreuses tentacules, l'industrie nucléaire cherche à construire des nouvelles installations autour des quatre coins de la France. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il faut faire un petit inventaire. Un EPR qui ne démarre pas, celui de Flamanville, on connaît, et qui veut faire des petits. Le fiasco de l'EPR de Flamanville ne semble pas suffire aux géants du nucléaire. Il envisage d'en construire 6 dans les années à venir. Il y a des achats de terres pour projets dangereux. Qu'en est-il ? Pour quel projet EDF achète-t-elle des centaines d'hectares autour de plusieurs centrales ? Travaux de maintien en vie des vieilles centrales, EPR low cost, piscine de combustible usagée, on ne sait pas trop. Là encore, il y a secret défense. Alors, les projets et chantiers coûteux et inutiles. Et coûteux, quand on dit coûteux, on risque d'obérer par là même les projets qui pourraient être faits pour sortir du nucléaire et puis surtout avoir une énergie, des énergies alternatives. Il y aurait Astrid, dans le département 30, réacteur expérimental à neutrons rapides, projet décidé en 2006. ITER, dans le 13, dans le département 13, réacteur expérimental sur la fusion nucléaire en construction depuis 2006. ICEDA, dans l'Ain, entreposage de déchets radioactifs issus du démantèlement. Travaux entamés en 2010. CIGEO, ça on le connaît bien, 52-55, hein, entre la Haute-Marne et la Lorraine. Projet titanesque de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Entraînera une multitude d'autres projets, voies ferrées, routes, transformateurs, lignes THT, etc. Projet décidé en 2006. Voilà, alors la pieuvre nucléaire, pardon, continue à servir sur les territoires. Entreposage et découpe de déchets radioactifs dans le département 30. TDN TOR, incinérateur de boues radioactives dans le 11, dans le département 11, c'est l'Aude, hein, je crois. Unitec, blanchisserie nucléaire dans le 55. Ben, ça, on n'est pas loin de Bure, c'est dans la Meuse. Laboratoire de recherche sur l'uranium dans le 87. Technocentre, projet d'usine destiné à recycler les métaux irradiés, dans le 68. On voit quand même qu'autour de l'industrie nucléaire, on continue à dépenser des sommes folles et puis qu'on fait courir des dangers certains aux citoyens. Puisque les centrales nucléaires, au début, on nous l'a dit dans les années 70-80, ces centrales nucléaires étaient faites pour durer 25 à 30 ans. Aujourd'hui, on a, pour certaines, à plus de 40 ans. On s'aperçoit quand même que là, il existe un véritable danger aujourd'hui, d'autant plus que la sous-traitance sévit partout et que les sous-traitants peuvent très bien ne pas faire apparaître certaines lacunes, certaines anomalies, pour simplement faire voir qu'elles sont capables de maintenir des centrales en vie, voilà, malgré leur grand âge. Voilà, ben, je crois qu'il y a de quoi se révolter quand même par rapport à ça, et qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais ce réchauffement climatique, même, ce n'est pas certainement pas l'industrie nucléaire qui peut le diminuer. Hein, bien sûr, on peut toujours rêver que chaque citoyen ait un véhicule électrique, mais je crois que ce n'est pas réaliste aujourd'hui, étant donné effectivement une consommation d'électricité accrue, telle qu'on le pense aujourd'hui. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.